Prière, c'est une relation qu'on entretient avec Dieu. T'sais? On parle de nos problèmes avec Dieu, on parle de nos échecs, nos doutes. Je pense à Jérémie, moi, qui est un des modèles de prière extraordinaire. Jérémie, à un moment donné, qui dit, c'est Jérémie dégoûté de la vie, dégoûté de son ministère. Personne n'écoute, on persécute, on le traite de traître. Mais à un moment donné, il se réveille, il dit, Seigneur, tu m'as menti. Tu m'as appelé au ministère. Tu m'avais promis un gros salaire, tu m'avais promis du prestige, tu m'avais promis qu'il allait m'écouter. Tu m'avais promis du succès. En tout cas, je pense qu'il a mal compris. Puis tout ce que j'ai, c'est de la... Ouais, vous savez ce que vous voulez dire. Je ne le dirai pas. Je pourrais perdre ma job. Si je perds ma job, je ne peux pas payer mon hypothèque. Je ne peux pas payer mon hypothèque, ma femme va me laisser. Je vais me retrouver dans la rue, à quêter. Puis l'armée du salut m'a dit qu'il ne m'aiderait pas. Pas mal. La prière. Jérémie, il dit tout à Dieu. Il est dégoûté, il est déçu, il est découragé. Il est fâché après Dieu. Il est en colère. Il dit, Dieu, tu m'as menti. Très Dieu menteur. Tu peux le faire. C'est extraordinaire. Le judéo-christianisme est la seule religion où on peut se permettre d'insulter Dieu. En tant que c'est sincère. Si vous n'êtes pas sincère, vous avez des problèmes. En tant que vous êtes sincère, pas de problème. Ben, insulter, là, c'est une façon de parler. Je ne dis pas que, tu sais, on peut dire n'importe quoi, là. Mais on peut être complètement sincère, ouvert, honnête avec Dieu. On peut y dire tout ce qui nous passe par la tête. Puis en fait, quand on le fait, là, Dieu est profondément heureux. Parce que la complainte, la plainte, comment pourrais-je dire, l'accusation est une parole de croyance en Dieu. Quand je dis à Dieu, quand je souffre, Dieu, je suis en colère. Savez-vous ce que je suis en train de dire? Je suis en train d'affirmer que je crois en Dieu, le Dieu de la Bible, que Dieu m'entend. Seul le Dieu de la Bible peut intégrer, absorber ce genre d'affaires-là, puis rester. Parce que c'est une preuve de relation. Quand mon petit gars vient me voir, puis il me dit, écoute, là, je suis en colère, là, je suis une mauvaise journée, tu sais, puis il est en colère après moi. C'est bon signe, ça, il parle. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il arrête de me parler. Hein? C'est de l'athéisme, ou de l'apérisme, hein? La non-croyance au Père. Oui. Ouais, de l'apérisme. Hein? Il y a bien des enfants qui font ça. Ils ne parlent plus au Père. Ça, c'est terrible. C'est un bris de relation. Tant et autant qu'on parle honnêtement, avec intégrité à Dieu, c'est signe qu'il y a une relation avec Dieu. Puis c'est ça, la prière. OK? Ah, je ne sais pas si je vais parler de ça. Il est 4h15. Hein? Oui, c'est ça. Vous allez revenir demain. C'est parce que... Ah, non, ça va être trop long. Je pense que je vais mettre ça de côté. Je pense que je vais arrêter là. Pour l'instant. Oui. Parce que ça prend un petit peu de temps à expliquer ça, puis c'est lié à d'autres affaires. En tout cas. Bon, oui, c'est ça. Ça va être dans mon livre. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Il est 4h15. Je sais que ça a été une grosse journée pour vous, là. Mais... Non, je ne veux pas abuser, j'ai été très patient, puis c'est quand même, c'est quelque chose, écoutez, quelqu'un comme moi pendant 3 heures. Non, je pense que je vais le laisser là pour l'instant. Pensez-y, relisez Jacques, essayez de réfléchir à ce qu'un passage comme ça peut signifier en termes de support et d'appui qu'on peut apporter à des gens qui sont en difficulté, des gens qui sont malades. Pensez ce que ça signifie en termes de communauté. C'est la clé de ce passage-là. C'est la communauté qui entoure quelqu'un qui est malade et qui lui apporte support, courage et foi. C'est un passage extraordinaire. Oui. Non. Mais c'est sûrement pas l'esprit de l'humain à ce moment-là, ça fait simplement l'humain qui s'en mal à l'aise comme ça. Dans, C'est ça. C'est dur à dire de façon absolue parce qu'on n'a pas de moyen de vérifier. C'est tributaire d'une vision du monde. Fait qu'il faut que tu partes avec la bonne vision du monde. Fait que si tu prends comme point de départ Genèse 1 à 3, alors tu vas lire une expérience comme celle-là à la lumière de ça, tu vas dire, ben, c'est cognitif, c'est émotif, c'est psychologique. C'est pas nécessairement la manifestation d'une oppression démoniaque. Si ça l'est, on a des problèmes sérieux. Parce qu'à ce moment-là, on n'a aucun moyen objectif, aucun critère pour vérifier si, oui ou non, nous sommes la proie des esprits mauvais, si oui ou non, notre foyer, notre époux, notre épouse, nos enfants ne deviennent pas la proie de ces esprits démoniaques. Et là, ce qui se produit dans un contexte comme celui-là, puis croyez-moi, j'ai parlé à des gens, j'ai connu des gens qui ont complètement absorbé cette vision du monde-là, et ce que ça produit, c'est la terreur, c'est l'angoisse. Parce que toute la gamme des expériences humaines, des émotions humaines, sont interprétées dans cette grille démoniaque, la guerre spirituelle. Puis Dieu sait que nous, en tant qu'êtres humains, on a envie des émotions. On passe de la joie, on passe à l'angoisse, on passe aux tentations, on passe à toutes sortes de choses. Puis toutes ces choses-là négatives sont dans une grille de guerre spirituelle, interprétées comme l'action, la possession, l'oppression, l'influence des forces démoniaques. C'est l'angoisse, c'est la terreur. Et c'est incompatible avec ce que je vois dans les textes sapientiaux, dans les textes de la création. C'est un choix qu'il faut faire. Mais je m'en fais pas. Quand je me sens mal, bon, je me sens mal. C'est tout. Moi, la vision, la prière est complètement... Puis même, je vous dirais que dans les cas extrêmes, supposons que nous soupçonnions qu'une personne se soit donnée au mal, au point où cette personne est possédée, contrôlée par des esprits démoniaques, je suggérerais, en l'absence de toute autre recette dans les Épîtres, il n'y en a pas. Quand Paul fait face au problème, hein, même chez les Corinthiens, il y en a un qui couche avec sa belle-mère, c'est dur d'imaginer pire. Pas sa belle-mère, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, là. Ouais. En tout cas. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas trouver quelqu'un qui va chasser les démons. Il dit, arrête de faire ça. Il remet ça dans le domaine de l'éthique, de la connaissance. Puis si la personne refuse d'obtempérer, ben il dit, écoute, il va falloir couper lui-là, là, parce qu'il est en train d'infecter la communauté. C'est toujours dans le domaine de l'éthique, de la connaissance. Mais bon, en l'absence d'une recette claire pour chasser les démons, si nous nous trouvons dans un cas extrême, c'est possible, je dirais que le rituel proposé en Jacques constitue une approche qui, à mon avis, est suffisante pour déterminer si oui ou non on a affaire à des esprits démoniaques ou à une maladie d'ordre psychologique. On prie pour la personne, si la personne est malade, les anciens sont appelés, il y a un côté personnel qui s'introduit dans ça, la communauté est représentée, une personne qui est très malade souvent n'a pas la foi pour prier, donc on dit c'est la foi des anciens qui vont sauver ou qui vont guérir cette personne-là. Et si on soupçonne qu'elle est la proie d'êtres maléfiques ou d'êtres démoniaques, la prière devrait être suffisante pour libérer cette personne. D'un coup. Il n'y a pas besoin de répéter. C'est la promesse que nous avons. Si d'autre part, cette personne-là n'est pas délivrée et continue à démontrer des problèmes d'ordre psychologique, à ce moment-là, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que cette personne a besoin de soins médicaux, besoin de soins psychologiques ou psychiatriques. Ça a peut-être l'air un peu simpliste, mon affaire, mais je pense que c'est compatible avec une certaine compréhension de la vision du monde qui nous est proposée dans la Bible. En tout cas, c'est dans cette direction-là que j'irai. Je ne veux pas vous garder plus longtemps, je pense que... Stéphane? Ah, oui! Je ne suis pas trop certain de ce que j'ai dit, c'est pour ça que je reste un peu vague. Mais je pense que ce que je leur ai dit, c'est que, un peu dans ma naïveté, là, je leur ai dit que je ne pensais pas vraiment qu'un symbole, tu sais, en fin de compte, un symbole, c'est quoi? C'est un morceau de bois avec de la peinture dessus, qu'en soi, pouvait comporter quelque danger que ce soit pour eux. Mais je leur ai dit, écoutez, si à chaque fois qu'il y a un chrétien qui vient, il donne de la misère avec ça, peut-être qu'il sera mieux de l'enlever. En fin de compte, je me suis retourné, je suis retombé sur la préoccupation éthique. Ceci étant dit, je ne sais pas s'ils l'ont enlevé. Hein, je pense qu'ils l'ont laissé là, parce qu'ils étaient rebelles. Hein, c'était des gens des années 60. Là. Puis, en tout cas, ils l'ont laissé là, je pense. Puis David, je dirais à peu près 7 ans plus tard, a développé la maladie de Lou Gehrig. Puis il est mort, puis ça a été long, hein? Ça a été pénible. Ça a été terrible comme progression. Là. Puis il est mort il y a à peu près 2 ans. Voyez-vous ce qui se produit? Quelqu'un pourrait dire, il n'a pas enlevé le symbole. Les enfants, les démons ont attaqué ce foyer-là, ont provoqué la maladie, ou Dieu l'a puni. Hein? C'est peut-être l'autre possibilité. Moi, je dis, il a développé la maladie de Lou Gehrig parce que c'était dans ses gènes. Qui a raison? Il n'y a aucune façon de le vérifier. Il n'y a aucune façon de le savoir si ce n'est que par une vision du monde qui vous sert de point de départ. Puis comment est-ce qu'on va choisir notre vision du monde? Mais moi, j'ai décidé que ma vision du monde serait celle que Moïse a donnée aux Hébreux. Parce que je crois que la Bible, là, c'est quoi l'inspiration? L'inspiration, c'est d'avoir un livre qui nous donne, qui nous fournit une vraie fenêtre sur la réalité métaphysique. Je pense que c'est la seule que nous ayons. Puis j'ai décidé que j'allais vivre ma vie en regardant par cette fenêtre-là. C'est un choix. En tout cas, je vous la propose. Bon, Stéphane, merci beaucoup, vous avez été très gentil. Puis... Je voulais remercier l'Institut biblique Laval, parce que c'est un peu grâce à eux aussi qu'on a pu faire ça, puis l'Église de Saint-Eustache, qui ont pris l'initiative aussi d'organiser cette rencontre-là. Puis moi, c'était bien le fun d'en venir ici. Je suis au ciel quand je suis de retour au Québec. Hein, puis, bien apprécié. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Pierre. Alors, je pense que ça a été une série de conférences riches en informations, mais aussi riches en applications, n'est-ce pas? Vous savez, on entend souvent qu'aujourd'hui que la Bible n'est plus d'actualité, que c'est un livre démodé, mais je pense que Pierre nous a démontré que les plus vieux textes de la Bible, plus de 3000 ans d'histoire, peuvent avoir une pertinence encore pour la société d'aujourd'hui, hein, qui propose une nouvelle vision remplie d'espérance. Alors, riche en informations, mais en application aussi. Alors, je pense qu'on a beaucoup de choses à réfléchir suite à une série de conférences comme celle-ci. Alors, Pierre, ben, c'est à mon tour au nom de l'Église chrétienne de Saint-Eustache et aussi au nom de l'IBL, puisque c'est en partenariat qu'on de planifier cette conférence-là, qu'on veut te remercier pour ta présence, ta disponibilité, mais aussi pour ton sens de l'humour. Hein? Alors, je pense que ça n'a pas été... on n'a pas eu tellement a eu preuve de courage pour venir ici. Hein? Avec son sens de l'humour, ça a été facile d'avoir l'attention pendant les 6 heures de conférence. Alors, Pierre, merci beaucoup, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de te réinviter à venir au Québec. Hein? Je pense que ça a été bien apprécié, n'est-ce pas? Alors, soit dit en passant, si vous désirez avoir les cassettes de ces deux conférences-là, c'est disponible à l'arrière au coût de 2 $ pour les frais de cassette. Alors, c'est libre à vous. Et puis, alors c'est ça. Merci pour votre présence. Et puis, oui, Alain? Oui. Oui. Bien sûr, mais quoi que je ne sais pas, c'est pourquoi la publication est prévue. On pourra les réinviter d'ici là. C'est ça. On termine par un mot de prière? Alors, je prie. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci, Seigneur, pour ces textes de la création, ces textes de la Genèse, Seigneur, qui nous proposent une nouvelle fenêtre sur la vie, sur la réalité, comme dit Pierre. Seigneur, nous savons que par ce texte, tu a une vision du monde à nous communiquer et nous voulons, Seigneur, y croire, nous voulons la recevoir et nous voulons vivre selon cette vision du monde. On te prie qu'elle puisse faire partie intégrante de nous et que l'on puisse devenir des partenaires avec toi dans l'accomplissement de ton projet. Oui, Seigneur, nous sommes tes serviteurs et c'est avec volonté et de notre propre choix que nous voulons te servir pour la plus grande gloire de ton nom. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée.